Pourquoi ne reviens-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviens-tu pas? Puisque je t'attends. Pourquoi ne reviens-tu pas?